Je trempais ma plume dans l'encre de Rimbaud. Si deux fois plutôt qu'une, j'insultais le troupeau. Si d'une haleine acide, je dénonçais le vilain. Et la femelle perfide, cela ne servirait à rien. Si j'écrivais la vie comme je l'ai vécue, une jeunesse asservie de rêves qui ne le sont plus. Si je disais que demain serait le dernier jour, cela ne changerait rien pour les cons de toujours. Si tous les diables du monde devaient se faire châtrer, Satan serait l'ermite le plus décoré. Si j'écrivais l'amour comme le divin marquis, parlons-en de l'amour. Payés de leur vie, je demanderai à voir. Si j'écrivais les vérités de ma main qui supplie, relevant la tête pour braver les lois qui me la lient. Si je cessais de me taire pour hurler avec les loups, les bergers, mes frères, m'enfermeraient comme fou. Si j'écrivais la liberté pour dévoiler aux enfants qu'ils sont déjà morts.